Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je serai un des deux animateurs de ce beau programme. L'autre est le journaliste automobile. Oui, j'aime ça dire journaliste automobile, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher, écoute, avant d'aller plus loin, d'une part, je vais m'excuser parce que la semaine dernière, je parlais comme un crapaud, on a donc choisi de ne pas faire d'émission. Mais deuxièmement, j'aimerais surtout te féliciter mon cher, parce que, je dois le dire, tu es maintenant toi-même un journaliste automobile reconnu, puisque tu as été accepté comme membre de l'Association des journalistes automobiles du Canada, un projet sur lequel tu travaillais depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et là, tu as eu enfin ta appréciation. Tu es maintenant un vrai membre officiel de l'AJAC. Ben oui, ça me fait super plaisir. J'étais vraiment touché qu'on m'accepte finalement. J'avais fait une demande, ça avait été refusé en début d'année. Et puis c'est un peu grâce à vous autres, là, les auditeurs de l'émission, ceux qui le téléchargent sur leur iPod ou leurs ordinateurs, ceux qui l'écoutent en direct ou ben en rediffusion à la radio sur différentes places où on est diffusé. C'est un peu grâce à vous. C'est les chiffres de diffusion qui ont fait pencher la balance du côté oui plutôt que du côté non. Donc, je tiens à vous remercier vous tous. Et oui, Marc, je suis maintenant, je dirais jamais ton égal parce que j'ai toujours à apprendre et il y a beaucoup de choses à apprendre pour moi encore. Mais je suis un journaliste reconnu de l'AJAC. Ça me fait très, très plaisir. Écoute, j'ai quand même une dizaine d'années d'avance sur toi, là. Mais pour le reste, je suis très heureux que tu te joignes à l'AJAC, mon cher. Ouais, moi aussi, c'est très le fun. J'ai hâte de voir le titre de futur, ce que ça va apporter, mais juste le fait d'être membre de l'AJAC pour moi, c'est déjà un gros plus. C'est un rêve réalisé, tu sais. Puis écoute, je suis tellement fier que cette semaine, j'ai décidé de te laisser le contrôle presque complet de l'émission parce qu'on va parler beaucoup du Salon de l'Auto de Québec, Oui. mais moi, j'y suis pas allé. Alors, c'est toi qui as visité le salon, c'est toi qui as rencontré les gens, c'est toi qui as fait les entrevues. Fait que cette semaine, mon cher Luc, c'est pas mal ton show qu'on fait ensemble. Ouais, ça va déraper un peu, là, d'habitude, mais donc bon, je faisais ça déjà avant avec le podcast auto, je devrais me débrouiller quand même pas si peu, puis t'es toujours là pour me ramener sur le droit chemin si y a quelque chose. Ouais, Ou pour dire que tu te trompes, mais tu sais, ça arrive jamais, là. OK. Bon, on va commencer avec le Salon de l'Auto de Québec. Première chose, je suis allé la journée de presse qui était le lundi. Le salon ouvrait le mardi pour le grand public et vous pouvez y aller encore jusque à la fin de la semaine. C'est ouvert jusqu'à dimanche, si je me rappelle bien. Donc, vous allez pouvoir visiter le Salon de Québec. Il y a des choses très intéressantes. J'ai commencé mon lundi, bon petit lundi. Le CAA Québec faisait des essais de voitures électriques, donc des essais routiers de voitures électriques. Puis il y avait aussi une autre compagnie qui s'appelait Roulez Passion, qui eux faisaient des essais de voitures, bon, un peu moins vertes. Puis Minimum. j'ai eu la chance de rouler les deux. Bon, mon lundi a commencé au volant d'une Tesla Model S, pas une P90D, mais une 90D, donc voiture très puissante à traction intégrale. Faut que je vous dise tout de suite, la température était exécrable à Québec lundi. C'était de la pluie verglaçante, de la neige. J'ai eu de la misère de me rendre de mon hôtel au centre des foires de Québec sans que mon pare-brise se glace aux 30 secondes. C'était vraiment pas jojo. Donc, je me disais, ça va donner quoi des essais routiers dans cette température-là? Je vous dirais que la Tesla S m'a agréablement surpris. L'intérieur est superbement fini. Tu l'as essayé, Marc, la Moi, Tesla S? je l'ai essayé, je suis un peu pas d'accord avec toi. Je suis obligé de te dire que par rapport à la qualité de finition, j'ai été extrêmement déçu. La qualité des matériaux à l'intérieur d'une Tesla, c'est pas à la hauteur d'une voiture de 100 000 $. J'ai trouvé que ça ressemblait plus à, écoute, puis sans négatif, là, mais ça ressemblait plus à un Honda Accord qu'à une BMW série 7, là. Ben, On va se dire les vraies affaires, là. ouais, j'avoue qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé bizarre. C'est comme il y a un gros vide, il y a le gros écran. L'écran est super joli, l'écran c'est super pratique, puis on peut tout contrôler de là. Mais juste en dessous de l'écran, où on aurait normalement la console centrale, il y a un trou béant où on peut mettre des choses par terre, là, mais j'ai trouvé ça plus ou moins utile. J'aurais aimé ça avoir des espaces, des vide-poches ou des choses comme ça, plutôt qu'un trou béant comme ça. Il y a peut-être une option pour remplacer ça par autre chose, mais je sais pas. Juste trouver ça un peu bizarre. Ah, Finition. sûrement qu'il y a une option. Il y a des options pour tout sur une Tesla. C'est un peu comme chez BMW. T'sais. Tu commences Ah, avec une c'est même voiture à 35 000, pire. puis finalement, elle te coûte 80 quand tu as terminé de mettre des options dedans. Mais bon, je l'ai trouvé agréable à conduire. C'est très, très stable, même si c'est très puissant. Puis comme je disais, la température est exécrable. J'ai bien aimé. Mais oui, la finition intérieure, j'ai pas eu le temps de m'attarder vraiment à la finition intérieure. J'ai conduit l'auto 10 minutes à peu près. Donc, j'ai pas eu le temps de m'attarder à la finition intérieure, mais j'ai trouvé que c'était bien au premier coup d'œil, mais j'ai pas été dans les matériaux un peu plus que ça, j'ai pas touché partout. Mais oui, il y avait des espèces de vide et tout ça. Les sièges étaient confortables, mais j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire, là. J'ai déjà vu des sièges mieux que ça. Mais pour le reste, je veux dire, comportement routier, la voiture était vraiment superbe. Deuxième voiture que j'ai essayée, c'était la Porsche Panamera E hybride. À peu près une vingtaine, trentaine de kilomètres en mode électrique quand elle est pleinement chargée. Moi, j'étais chanceux, j'étais un des premiers à l'avoir. Fait qu'elle était pleinement chargée. J'ai réussi à faire à peu près le tour qu'on donnait comme circuit en mode électrique. Quand j'ai appuyé un peu plus fort, à un moment donné, le moteur a embarqué parce qu'on avait besoin de plus de puissance. Mais quand même assez stable. Marc, on a fait le Cam4 ensemble l'année passée. On sait que, t'sais, mais si vous pensez qu'une Porsche sur la glace, c'est pas à sa place. C'est pas vrai. Bien chaussé, une Porsche sur la glace, ça peut être très agréable. C'est sûr que la Panamera était pas chaussée comme nous, les voitures l'étaient au Cam4, avec des pneus à clous. C'est des pneus d'hiver bien ordinaires. Mais c'était quand même assez stable. Je sentais le derrière qui voulait déraper un peu, mais le contrôle de traction de Porsche est vraiment sublime. Donc, la voiture se ramenait quand même assez droite, assez rapidement. J'ai quand même apprécié. La Panamera, tu l'as sûrement déjà fait aussi. Oui, j'ai eu la Panamera, la E-hybride. J'étais au lancement de la voiture, d'ailleurs, quand on est allé l'essayer en Oregon. Écoute, c'est vraiment une voiture qui est extrêmement agréable. C'est sûr qu'il faut aimer le look, là. On s'entend pour dire que c'est pas nécessairement un look qui plaît à tout le monde. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça intéressant d'avoir une quatre portes avec pas mal d'espace comme ça. Le côté hybride, évidemment, écoute, c'est intéressant, mais pas nécessairement concluant par rapport au prix que ça demande. Par contre, écoute, c'est une voiture qui est le même prix, en fait, en version hybride ou en version ordinaire. Alors, je pense que ça vaut la peine. Moi, puis je veux dire, une Porsche, c'est une Porsche. Donc, tu sais, c'est mieux que beaucoup d'autres choses. Je l'ai trouvé bien. J'ai juste trouvé, je sais pas si c'est de même dans toutes les versions, là, mais je me suis assis dans le siège du conducteur, puis j'ai regardé tous les boutons qu'il y avait dans la console centrale, puis j'ai eu mal à la tête automatiquement. Mais ça, la Panamera, la console centrale est comme ça, le Cayenne devient de plus en plus comme ça. On a vraiment toujours misé sur cette espèce de décor surchargé. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime le côté cockpit d'avion un peu que ça donne, mais tu as Ouais. raison, il faut s'y attarder longtemps pour savoir quelle commande on a besoin. Tu sais, quand la voiture t'appartient, c'est une chose. Quand t'as 10 minutes pour la conduire, une chance que le gars de CAA Québec avait l'air à la connaître pas mal par cœur, parce que c'est lui qui a à peu près tout touché les boutons, puis a dit c'est beau, tu peux partir. Ouais, Parce mais que en fait, c'était. c'est pas si compliqué. Il suffit de regarder, c'est pas si complexe. Ouais, c'est ça, mais tu sais, 10 minutes, j'avais pas grand temps. Ouais, Mais j'ai bien c'est vrai apprécié la aussi. conduite. Puis l'intérieur. Puis c'est moi aussi, moi, c'est ça. C'est mon problème. Donc, j'ai roulé ces deux voitures hybrides et électriques-là. Si vous y allez, il y a plusieurs autres choses. Hyundai Sonata hybride, toutes les voitures électriques des grands constructeurs, donc Nissan, Ford, sont là. Il y a la MI-EV aussi, mais ça, je veux dire, cassez-vous pas la tête, la MI-EV s'en va. Elle sera pas ramenée pour une autre année, donc c'est fini. Mais la nouvelle Volt et tout ça. Donc, vous pouvez tout essayer ça, juste à donner votre nom, puis vous allez pouvoir aller faire un tour de voiture électrique ou hybride là, quand ça sera votre tour. Il y a l'autre compagnie. Je vais vous laisser écouter une petite entrevue que j'ai faite avec le monsieur de la compagnie. Puis après ça, on va revenir, puis je vais vous parler un peu de ce que j'ai réussi à conduire. Alors, on est au Salon de Québec. Je suis avec Martin Morency de Roulé Passion. Martin, vous offrez quelque chose de vraiment intéressant. Personnellement, ce matin, j'ai réussi à conduire une Lamborghini, puis j'ai réussi à conduire un Charger L4. Vous offrez plein d'autres choses. Vous offrez des Porsche et des Corvettes. C'est quoi au juste le but de ta compagnie? Qu'est-ce que tu fais? En Roulé Passion, c'est une jeune entreprise de la région de Québec. Nous, ce qu'on voulait offrir, c'est vraiment l'accessibilité à des chars de rêve qu'on ne peut pas toujours s'offrir. Donc, pour une journée, une fin de semaine, une semaine, vous avez l'occasion de conduire une Porsche Boxster 911, Corvette, Lamborghini, Charger L4. On change de véhicule à chaque année pour essayer de vraiment fournir à la demande qu'on a de nos clients. Donc, c'est vraiment d'offrir le rêve accessible à tous. Puis si les gens veulent vous rejoindre, comment est-ce qu'ils font ça? C'est Internet? C'est Internet, roulezpassion.com ou info@commercial.roulezpassion.com. Vous avez toutes les coordonnées exactement de la compagnie. Bien, Martin, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de conduire une Lamborghini ce matin, puis aussi le Charger L4 qui était très bien, là. Félicitations pour la compagnie. Je trouve ça vraiment intéressant que vous offrez l'opportunité aux gens qui n'ont pas les moyens de se payer des voitures comme ça. On s'entend que c'est pas dans le budget de monsieur et madame tout le monde de pouvoir conduire leur voiture de rêve. Bien, félicitations. Merci beaucoup. Comme le monsieur le disait, sa compagnie offre plusieurs voitures de luxe, voitures performance. C'est pas, on parle pas de Bentley, de choses comme ça. On parle vraiment de voitures sportives. Porsche Boxster, Porsche 911, Dodge Charger L4, qui a acheté, il a acheté un démo parce que Chrysler pouvait pas lui promettre qu'il l'aurait pour la saison, donc il est obligé d'acheter un démo. Lamborghini Gallardo, bon, plusieurs voitures exotiques, là, voitures de rêve qui étaient disponibles là. J'ai réussi à m'asseoir pour la première fois de ma vie, rêve de petit gars réalisé. Je vais pouvoir faire un beau petit crochet sur mon calendrier. Je me suis assis au volant d'une Lamborghini Gallardo, 4 roues motrices, chaussée de pneus à clous. Donc, ouais, ça, tu perds un peu le fun, par exemple. Tu perds un peu le fun, mais dans la température qu'on avait, c'était vraiment de mise parce que c'était du verglas, c'était de la glace. La voiture était excessivement stable. J'ai vraiment trouvé ça le fun de me laisser tomber littéralement dans la voiture là, parce que c'est comme vraiment bas de terre. C'est le genre de voiture que si la route est pas déneigée, tu la déneiges pour les autres parce que c'est vraiment bas. Bon, la voiture c'était une convertible, malheureusement, bon, vu la température, on n'a pas ouvert le toit. Mais c'est une voiture. Moi, je suis un peu déçu. Là. Ben il neigeait puis il grêlait puis il pleuvait, c'était à peu près tout en même temps. Là. Donc j'ai décidé, on l'a laissé le toit fermé. Mais voiture vraiment agréable. Puis j'ai trouvé vraiment docile quand même. C'est sûr que je faisais attention là, parce que la dernière chose que je voulais faire, c'est de rentrer dans une voiture ou les gratigner. Mais c'était vraiment agréable. J'ai trouvé qu'elle était quand même vraiment docile à conduire la voiture. C'était pas quelque chose que j'avais peur de perdre le contrôle. Donc j'ai vraiment trouvé ça agréable. La deuxième que j'ai conduit, c'est la Dodge Charger L4 que Marc, toi, t'as eu. Ça, c'est un monstre. Honnêtement. Je sais pas comment on fait pour conduire ça sur la glace. Ben, on enlève des chevaux. On avait la clé rouge, puis il a été configuré la voiture pour avoir seulement 500 chevaux au lieu de 700. seulement. Il y avait des bons pneus d'hiver dessus, donc ça a quand même été pas super. J'ai été vraiment tranquillement, là, parce que même à l'arrêt, le monsieur me dit, tu sais, juste ici stationné sur en mode park là, appuie sur l'accélérateur puis on sentait le devant de la voiture qui tordait quand je donnais des coups d'accélérateur là. Puis là c'est quand on avait le plein 700 chevaux, c'était vraiment vraiment incroyable là. C'est une voiture hyper puissante. Je sais que toi tu l'as conduit sur la piste, ça oui. Doit être un feeling incroyable sur de l'asphalte sec. Oui, c'est juste le problème, c'est que c'est tellement puissant qu'à un moment donné, t'as l'impression, t'espères ne pas perdre le contrôle. Là, c'est vraiment la façon la plus simple de dire les choses. C'est vraiment pas facile, mais écoute, c'est super agréable. Le son du moteur est incroyable. Alors oui, je me suis bien amusé à la conduire. Ouais, moi aussi. J'ai réalisé quelques petits rêves de petit gars, donc je remercie Rouler Passion pour cette belle expérience. Ben, c'est bien, on change chanceux. On va parler du reste du Salon de l'Auto de Québec parce que c'est certain que, bon, c'est bien amusant de conduire des voitures que personne ne peut normalement conduire. J'ai beaucoup apprécié, mais il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient présentées au Salon de Québec. Marc, je sais que tu n'étais pas là, donc je vais vous parler de ma visite. Normalement, c'est drôle parce que c'est Marc qui va faire les salons puis moi qui écoute. Là, c'est le contraire. Je me sens tout comme excité. C'est quelque chose de bizarre là-dedans. Depuis que tu es membre de la JAC, toi, ah, je te retiens. Il n'y a plus rien. La tête vient de m'enfler. J'ai eu l'occasion de voir bon plusieurs belles choses. On a commencé bon la journée avec les essais. Après ça, Ford invitait les journalistes à aller voir leur kiosque. Il y avait certaines choses intéressantes. Ford qui essaie d'être très vert dans la conception de leur voiture et même certaines usines comme l'usine rouge où on fabrique le Ford F-150. Le toit est un toit vert, donc c'est un toit où il y a du gazon. Ça permet de garder l'usine chaude en hiver, rafraîchie en été, puis on récupère l'eau et tout ça. Donc on essaie d'être vert dans la conception et dans la construction de certaines voitures. Donc, Ford présentait une section où on pouvait voir qu'est-ce qu'ils utilisaient pour faire comme certains matériaux à l'intérieur de leur voiture, comme du vieux jeans déchiqueté pour l'insonorisation. Puis Est-ce qu'ils vous ont fait une dégustation? Oui, ils nous ont fait une dégustation. J'imagine. Ah, ça, je trouve ça absolument génial. Pour les auditeurs, il faut préciser que Ford utilise beaucoup, beaucoup de produits biologiques et de produits organiques. Et la plupart de ces produits-là sont des produits qui peuvent même se manger. Et ce qu'ils font annuellement, parce qu'ils le font presque chaque année, c'est qu'ils font une dégustation. C'est-à-dire qu'ils engagent un chef qui prend les produits qui servent à la fabrication du véhicule et qui fait un menu avec ça. Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé ça, je trouve l'initiative absolument géniale. Ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe, même si, objectivement, là, c'est un peu pour le show, mais c'est quand même intéressant. Oui, c'est bien parce que, comme il parlait de la pleure de tomate, on mange la tomate, mais la pleure de tomate, on s'en sert pas nécessairement. Donc, ils prennent ça pour faire des matériaux qu'ils peuvent utiliser à l'intérieur de la voiture. Du soya, des sièges sont faits majoritairement de soya. Il y a plein de choses. Le blé, oui, on prend les grains de blé, mais le reste de la plante, on peut la déchiqueter puis faire du matériel avec ça aussi qu'on peut utiliser à l'intérieur des voitures. Donc, c'est vraiment intéressant. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. J'ai demandé vraiment en détail aux gens de chez Ford de m'envoyer qu'est-ce qu'ils font avec quoi, puis on en reparlera peut-être à un moment donné. Là, c'est vraiment super intéressant. Il y a eu des lancements. Bon, on s'entend, le Salon Québec, c'est pas le gros salon. C'est pas Toronto, c'est pas Montréal. Il n'y a pas plein de lancements. C'est un plus petit salon, mais c'est un salon qui est vraiment agréable à aller visiter justement par sa taille, parce que ça m'a donné le temps de parler avec les gens, de prendre des photos, de prendre mon temps. Tu le sais, Marc, Montréal, Toronto, puis même d'autres salons que tu vas, c'est t'as 10 minutes, le constructeur fait sa présentation, puis 10 minutes plus tard, c'est à l'autre place. Fait que si t'as des photos à prendre, souvent t'arrives en retard pour le prochain dévoilement. À Québec, c'est un peu plus long, on a 15 minutes, même à un moment donné, en deux présentations, on avait beaucoup plus que ça. On avait presque qu'une demi-heure, 45 minutes. Donc, on a eu le temps de prendre des photos puis jaser et tout ça. On a eu, en primeur, le lancement de la Lamborghini Huracan LP 580, qui est la voiture la moins dispendieuse chez Lamborghini. On parle de 240 000 $ à peu près. Donc, si votre cochon est plein puis vous avez ce montant-là, je vous invite à aller peut-être faire un tour chez Lamborghini Montréal puis vous la commander. Très jolie voiture. Elle était présentée dans un rouge assez pétant. Sur les photos, elle est sortie orange, là, mais bon... était rouge dans vraie vie. Ça, c'est la joie des éclairages de ouais. Salon d'auto. Ouais, aussi, il y avait Toyota qui ont présenté en primeur canadienne le CHR. Qu'est-ce que ça veut dire, CHR? C'est Compact High Road. Et c'est quelque chose qu'on m'a dit après l'entrevue que j'ai eue avec M. Jocelyn Dano de Toyota Canada. Donc, Marc, on va écouter ça puis on va revenir en parler après. Avec plaisir, mon cher. Alors, on est au Salon de Québec. Je suis avec Jocelyn Dano, directeur régional de Toyota Canada. Bonjour et merci d'avoir accepté l'entrevue, M. Dano. Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous. Vous êtes ici, vous avez présenté le concept CHR oui. de Toyota. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans l'avenir de ce véhicule-là? Est-ce que le style va changer beaucoup? Parce qu'on sait que c'était supposé être un Sion au départ. La marque Sion va arrêter. Est-ce que le style va changer beaucoup? Est-ce que c'est un véhicule qui s'en vient bientôt ou c'est juste une étude de style pour l'instant? Non, c'est pas une étude de style. Je peux vous dire que le véhicule va être disponible plus tard cette année. Pas ici, mais dans certains pays en Europe. Okay. Donc, le véhicule vient juste d'être lancé à peu près en même temps à Genève, le véhicule de production. Et je vous dirais qu'il ressemble étrangement à ce véhicule-là. Donc, pas beaucoup de différence entre le concept et le modèle de production. Donc, on a gardé le style quand même, parce que oui. c'est quand même assez osé. Là. C'est quand même quelque chose qui sort de ce qu'on est habitué. Oui. Donc, je trouve ça vraiment joli. Je trouve que c'est très bien qu'on ose un peu un style différent. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a comme motorisation dans ce véhicule-là? Qu'est-ce qu'il va y avoir de disponible? L'information n'est pas encore disponible, malheureusement, au point de vue powertrain ou quoi que ce soit. Donc, c'est des informations qui vont être disponibles un peu plus tard. Un peu plus tard. Ouais. Donc, on peut avoir différents moteurs, j'imagine, différents moteurs disponibles. On peut avoir différents moteurs dépendamment des pays dans lesquels le véhicule va évoluer. Mais on n'a pas encore d'informations pour l'Amérique du Nord au moment où on se parle. Donc, bientôt, j'imagine, si le véhicule va être disponible d'ici la fin de l'année, ça devrait... Être disponible. Le véhicule devrait être disponible ici, au Canada, au début de l'année prochaine. Donc, ça va être un véhicule qui va quand même attirer les jeunes consommateurs. Oui, c'est exactement ça qu'on recherche. Quand on a conçu ce véhicule-là, nos designers ont posé des questions justement aux jeunes pour savoir quel genre de véhicule ils aimeraient avoir. Et c'est ce genre de véhicule-là qu'ils veulent avoir. Donc, c'est ce genre de véhicule-là qu'on va leur donner. Oui, parce que le regarder sur la plateforme comme il est là, on dirait, je suis 6000 jeunes, moi, puis je le trouve de mon goût. Bon, récemment, il a été annoncé que la marque Sion allait disparaître. Quel modèle va demeurer de la marque Toyota? Parce qu'il y a sûrement des choses que vous voulez garder, comme j'imagine la Sion FRS. Ouais. La Sion FRS va demeurer et qui va changer de nom. C'est-à-dire qu'il ne changera pas de nom. Il va s'appeler encore FRS au début. mais va être à partir du mois de septembre, ça va se vendre chez tous les concessionnaires Toyota. Et la IM va aussi demeurer. Donc la IM va demeurer comme étant une Toyota aussi. Est-ce qu'il y a des plans pour changer le nom d'FRS pour la ramener comme partout dans le monde, c'est la GT86? Est-ce que c'est un nom qu'on pense garder? Pas à ce moment-ci. On est en train de... Il n'y a pas eu de décision de prise, mais pour l'instant, elle va demeurer FRS et elle va demeurer IM. Pour l'instant. Parfait. On sait aussi que Toyota mise sur les voitures à l'hydrogène. Il y a déjà des véhicules qui sont vendus en Californie. Est-ce qu'il y a des plans pour amener ça au Canada dans un avenir rapproché? Le problème principal qu'il y a au Canada, c'est naturellement, c'est l'approvisionnement de d'hydrogène. Ouais. Comme vous le savez, aux États-Unis, ce véhicule-là a déjà été lancé. Et l'objectif, c'est de vendre 3000 Mirai aux États-Unis par la fin de 2017. C'est beaucoup de véhicules. Ici, au Canada, on a des discussions avec les différents paliers de gouvernement, incluant Air Liquide, et tous les intervenants qui s'occupent de la distribution d'hydrogène. On est en train de discuter avec eux autres pour voir s'il y a des possibilités d'avoir certains réseaux. Si c'est le cas, à ce moment-là, on pourrait potentiellement avoir des véhicules Mirai ici au Québec. Au Québec puis au Canada. Puis c'est quoi le positionnement de Toyota? Pourquoi qu'on préfère l'hydrogène au tout électrique? Comme beaucoup de constructeurs vont au tout électrique, est-ce que c'est une question d'autonomie, une question de ne pas faire arrêter les gens tous les 160 km pour qu'ils rechargent? Okay. Premièrement, Toyota, nous, ce qu'on regarde, c'est qu'on veut avoir des solutions diversifiées. Donc, on ne veut pas concentrer tous nos efforts seulement sur une solution. Donc, présentement, on a le mode le conventionnel. On a beaucoup de véhicules hybrides. Mm-hmm. On a eu certains véhicules électriques et on a l'hydrogène aussi. Pourquoi l'hydrogène? C'est que, il y a premièrement, l'autonomie, comme vous en avez parlé. C'est un petit peu problématique côté véhicule électrique. Il y a certains véhicules électriques qui sont performants, par contre, coûtent beaucoup plus cher qu'un véhicule conventionnel. Mm-hmm. On pense que la solution avec l'hydrogène comme Mirai, éventuellement, va s'avérer beaucoup plus abordable pour le consommateur. Et en plus, cette option-là est beaucoup plus... premièrement, il n'y a pas de CO2. Et aussi, c'est vraiment la solution, selon nous. L'autonomie aussi. Donc, la Mirai, l'autonomie, c'est 500 km entre les recharges. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour recharger, contrairement à l'électricité. Ça prend de 3 à 5 minutes pour, si le réservoir est plein, de le recharger complètement. Bon, c'est l'équivalent de remplir une voiture d'essence. Exactement. Donc, c'est à peu près le même principe. Puis, on parle d'un échéancier de combien de temps à peu près pour rendre ça abordable, là, si on parle que ça coûte un peu plus cher qu'une voiture régulière, mais pas nécessairement... Oui, mais aux États-Unis, ils ont vraiment des bons plans. En ce moment, il y a un plan de location où ça coûte un peu en bas de 500 $ par mois sur une location pour avoir un véhicule comme ça. Et le prix de détail, c'est aux alentours de 57 000 à peu près. Donc oui, c'est un peu plus cher qu'un véhicule normal, sauf que le véhicule est beaucoup plus équipé et technologie d'avant-garde là, incroyable. Et c'est quand même moins cher qu'un véhicule, que d'autres véhicules électriques avec la même autonomie. Oui, ce qui est quand même bien. Donc, on peut voir ça au Canada dans un avenir. Tout va dépendre. Ça va dépendre des gouvernements. C'est ça. Au Canada, on ne peut pas vraiment savoir quel va être l'échéancier avant qu'on en sache plus au niveau du réseau de distribution. OK, parfait. Dernière question. Toyota se lance dans les camionnettes. Bon, il y a du TRD Pro, qui est des versions plus musclées et hors-route des camionnettes Toyota. Vous vous positionnez où dans ce marché-là? Vous visez quel consommateur, quel marché à peu près? Premièrement, une des raisons qu'on se lance dans ce créneau-là, c'est que c'est un segment en pleine expansion. Mm-hmm. C'est sûr qu'au niveau des prix de l'essence en ce moment, ça favorise l'évolution de ce segment-là. Ouais. Parce que ces véhicules-là consomment quand même plus que des véhicules normaux. On pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Nos véhicules, historiquement, ont toujours été des bons véhicules. Quand vous regardez le Tacoma ou le Tundra, valeur de revente exceptionnelle. On pense qu'il y avait il y a vraiment une opportunité au niveau de rendre ces véhicules-là un peu plus agressifs pour les gens qui sont vraiment passionnés de camionnettes, on commence présentement à plus petite échelle. Donc, pas nécessairement comme nos peut-être compétiteurs du Détroit, mais si jamais on voit qu'on a des bons résultats avec nos ventes, bien, on va augmenter la cadence en ce qui concerne les éditions spéciales, justement. Super. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Je vous souhaite un bon salon. Donc, voici, c'était M. Dano. On parle de Sion, on parle de Toyota, du CHR et tout ça. Donc, beaucoup de contenu dans cette petite entrevue. Juste finir un petit peu avec le Salon de Québec. Il y a eu d'autres choses à présenter. Là. Il y a eu en primeur provinciale, on a eu le nouveau Chevrolet Trax 2017. J'aime ce qu'ils ont fait avec. Là. Ils ont travaillé un peu la calandre. C'est un peu plus joli comme véhicule. Ils ont aussi donné des chiffres. La majorité de la clientèle du Trax serait des femmes. Ce qui me surprend pas, là, c'est vraiment un petit VUS comme ça. Souvent, les dames sont attirées vers ça. Le côté pratique d'un VUS, souvent à quatre roues motrices et ces choses-là. Puis d'une voiture plus petite. Donc, les chiffres ont l'air à confirmer un peu ça. Puis on a eu ici la Chevrolet Bolt. Bon, moi, je suis allé à Toronto, finalement, pour voir la Bolt. Au début, j'allais à Québec pour la voir. Là, je l'ai revu. T'es un fan de la Bolt dès le départ, là. Ouais, c'est ça. Ça, comme j'ai dit aux gens de GM encore lundi, ça a le potentiel d'être ma prochaine voiture. Faut juste qu'elle soit à un prix raisonnable. Et on va l'essayer avant de dire des phrases aussi engageantes que ça, par exemple. Ouais, mais j'ai conduit la Spark. La Spark, c'est très bien. Donc, si c'est un peu ce que la Spark est, j'ai aucun doute que ça va être une voiture qui va être agréable. Mais oui, je vais l'essayer avant de signer en bas du contrat, là, c'est sûr et certain. Mais ça aurait le potentiel de... j'ai bien fait d'aller à Toronto, par exemple, parce que à Montréal était vraiment plus fermé, donc c'était plus difficile d'avoir accès à l'intérieur puis tout ça. Même si les gens GM m'ont dit, garde, si tu veux aller dans l'auto, embarque, vas-y, ouvre les valises ou la valise et tout ça, puis prends des photos si tu veux. Mais j'ai dit, je l'ai fait à Toronto, donc je l'ai pas refait là. On a parlé du prix. Je sais pas si tu as vu un peu sur les réseaux sociaux. Là, la semaine passée, il y a des chiffres qui ont commencé à sortir comme quoi que la Bolt serait peut-être 46 700 $ canadiens. Écoute, on saura ce que ça va donner quand ils vont vraiment sortir. Là, je trouve que c'est un peu tôt pour en parler. Là. C'est ça. Ben, j'en ai parlé aux gens de GM parce que ça a levé un tollé un peu dans le giron des amateurs de voitures électriques. Puis quand j'ai mentionné ce prix-là aux gens de GM, ils ont comme resté surpris en disant « ça me semble un peu haut ». Donc, faudrait pas paniquer. Là, ceux qui paniquent pour ça, moi, je me calmerai un petit peu le pompon. On va attendre les chiffres de GM, puis on paniquera après s'il y a lieu de paniquer. Mais pour l'instant, on va garder ça tranquille. Mais tu vois, un peu haut, pas tant. Moi, j'ai bien l'impression qu'on va être pas mal dans cette gamme-là parce que, vraiment, c'est proche. Tu sais, si tu enlèves le 8000 $ de rabais, 46 000 moins 8000, ça fait quand même 38 000 pour une voiture 100% électrique. On n'est pas très loin du 35 000 annoncé, là. Ouais, mais aux États-Unis, on parle de 35 000 avant les incitatifs. Donc, tu te ramasses à une voiture qui est en bas de 30 000, un coup avec les incitatifs ajoutés. Tandis que au Québec, on serait plus haut qu'encore 35 000. Fait, oui, on serait à 38 000, mais tu sais, elle vaut combien la Volt après incitatif? La Volt est 41, je pense, de base. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est l'argent canadien vraiment qui nous tire dans le pied aussi, là, qu'on a un problème avec. L'argent canadien vaut rien présentement. Donc, on verra. Je vais attendre les chiffres officiels de GM, puis après ça, ben, on en reparlera quand on les saura. Exactement, je pense que c'est la meilleure solution. Début des livraisons planifiées, peut-être fin d'année, quelques livraisons au compte-goutte au Québec. Début de l'année prochaine, on va en voir plus. Là. Donc, on va attendre. On est encore un petit peu loin du lancement officiel de cette voiture-là. Et c'est rien, imagine, on n'a pas encore vu la fameuse Tesla Model 3 qui est supposée faire la même chose, qu'on devrait voir en photo dans 2-3 semaines. À la fin du mois de mars, puis vous allez pouvoir mettre 1000 $ pour la précommander, si vous voulez. Mais en ne sachant pas qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Ouais, c'est ça. On va attendre aussi voir ce que Tesla va nous montrer. Mais moi, je suis pas prêt à signer un contrat si j'ai pas plus de détails que ça. Aussi, Subaru présentait le très beau concept de l'Impreza berline, dont l'Impreza à 4 portes. Voiture vraiment magnifique. Tu l'as vu à Toronto, Marc était là. C'était la même qui était à Montréal. On a parlé aux gens de Subaru un peu, puis les gens de Subaru le savent, hein. Tu sais, Subaru sortent des super beaux concepts, puis quand ça arrive sur la route, c'est plus vraiment exactement ce qu'on a vu comme concept. Monsieur Bachan, qui est le représentant de relations publiques de Subaru pour le Québec, ou au moins pour la région de Montréal. Pour les trois prochaines semaines. Pour les trois prochaines semaines, parce qu'il prend sa retraite, malheureusement. Nous disait que, bon, tu sais, quand on présente des véhicules, souvent, des fois, on est 2 ans à l'avance. Il dit là, ben faites le calcul mental, puis lisez entre les lignes, la voiture sort à l'automne, puis on vous présente ce concept-là aujourd'hui. Donc, le temps qu'on a pour faire des grosses modifications est très, très mince. Donc, ce que vous voyez va être probablement ce qu'on va voir sur la route. J'aime beaucoup Amiot, mais je suis obligé d'avoir une petite... un petit bémol là-dessus parce que il faut savoir que même si actuellement ils l'ont présenté à Québec, rappelle-toi que c'est un concept qui a été présenté ailleurs il y a déjà plusieurs mois. Donc les changements, si changements il y avait, ont pu déjà être faits. Ouais. Donc tu sais, je sais pas, comme je te dis, je crois beaucoup à Mio quand il dit que ça va ressembler à ça, mais en même temps, je suis pas convaincu que c'est si ça va ressembler 100% à ça. Okay, on va voir, mais c'est vraiment joli. Je pense que ça serait une erreur de Subaru de s'éloigner trop de ce concept-là, parce que c'est vraiment magnifique. Ça a le potentiel d'être une des plus belles berlines compactes sur le marché. C'est vraiment joli. Les phares sont beaux. Bon, les rétroviseurs, les miroirs de côté vont sûrement changer parce que c'est trop mince pour être fonctionnel là, présentement. Mais pour le reste, la voiture pourrait rester comme ça, puis ça serait vraiment magnifique. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Ouais, moi aussi, mais comme je te dis, tu sais, je souhaite, là, je pense que ce serait une très bonne idée, là, mais on verra ce que ça va donner. C'est ça, on verra dans les prochaines semaines. Deux autres petites choses, Mitsubishi qui a présenté la Mirage G4, donc au lieu d'être une Mirage à haillon, c'est une Mirage avec un coffre, donc une 4 portes. Est-ce que tu es excité? Est-ce que tu sens mon excitation? Écoute, on ne se possède plus avec eux autres. Hein? Non. C'est, sérieusement, je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est une voiture qui n'est pas une vilaine voiture, mais qui a comme tellement peu de qualité propre que c'est difficile de voir comment on peut voir ce... En tout cas, j'ai bien de la misère avec Charles. Ouais, c'est pas... Regarde, on veut essayer de vendre une voiture pas chère pour essayer de se repositionner peut-être. Mitsubishi veut s'en aller plus vers le hybride et l'électrique et des choses comme ça, tu sais. Mais on a tué un peu l'âme de la compagnie en tuant l'Eclipse. Puis, tu sais, la Lancer Evo qui est partie. Bon, oui, elle était plus capable de compétitionner avec les WRX et tout ça parce qu'elle est trop vieille, mais quand même, c'était quand même l'âme d'une voiture de course puis de rallye. On élimine ça. Fait que j'ai hâte de voir où Mitsubishi va être dans quelques années. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas touché au Lancer. Ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis ouais. Je pense que ça serait intéressant. On ne sait pas quand. Donc ça, puis après ça, ben Lincoln qui a présenté la Lincoln MKZ 2017. Donc avec la nouvelle Calandre, j'aime beaucoup mieux la nouvelle Calandre que l'ancienne. J'ai pu aller m'asseoir dans la voiture. Puis l'intérieur est toujours bien fini. J'aime beaucoup les voitures Lincoln. Ils ont l'agrément de conduite est là, la technologie est là et tout ça. Il y avait aussi le Sync 3 dans la nouvelle le MKZ plutôt que le MyFord Touch. Puis j'aime beaucoup la voiture. C'était la Calandre vraiment moi qui me fatiguait un peu. Puis là on a réglé un peu ce problème là. J'aime mieux le nouveau look de la voiture. On va voir si la conduite va être pareille. Mais là, on parle d'un V6 de 400 chevaux avec une traction intégrale de série. Ça va être quand même quelque chose d'assez intéressant. Ouais, j'ai très hâte de voir, moi aussi. Là, en tout cas, ça devrait être bien. Mais j'ai hâte de voir quel genre de tenue de route on va avoir avec ce genre de véhicule-là. Ouais, moi aussi. Puis, dernière non-nouvelle, ben BMW, qui était supposé annoncer nous démontrer la nouvelle M2 en fin de journée, a décidé qu'il ne la présentait plus. Fait que finalement, ça finit avec Lincoln. Oui, ça a été terminé. Je ne savais pas, par exemple. Oui, on s'est fait dire, il y avait une présentation de BMW à 16h15, il n'y en a plus, donc Lincoln sera la dernière. Ça finit là. Fait Excuse-moi, j'étais un peu sous le choc. Là. Est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi? Non, aucunement. On s'est juste... on était chez Mitsubishi quand la nouvelle a sorti. Et puis, il y avait la personne vraiment qui est en charge du salon là-bas, qui est un monsieur dont je connais pas son nom, là. Mais c'est lui vraiment qui est comme le président du salon, puis il a dit, ben, BMW est plus là, puis on s'est tous regardé. Il y avait monsieur Descaries qui était là aussi, puis il y avait une couple d'autres personnes, puis on s'est regardé, j'ai dit, bah, le gars qui parle français chez BMW a pas dû prendre son avion, fait que finalement, ils ont rien à présenter. Ça finit là. Donc, pas de BMW M2 présenté à Québec. La voiture va peut-être être là, mais il n'y a pas eu de présentation média. Je trouve ça absolument effroyable. C'est un peu ordinaire. Mais bon, fait que ça fait le tour du salon de Québec. Très beau petit salon. Si vous voulez aller faire un tour, c'est encore possible. Là. C'est jusqu'à dimanche. Donc, du moins, je pense que c'est jusqu'à dimanche. Là. Oui, effectivement. Allez faire un tour. Beau salon, c'est bien fait. C'est bien. Juste gardez vos bottes parce que vous allez avoir deux sections à faire dans deux bâtisses différentes. C'est bon, couvert par un tempo, là, mais il y a quand même de la neige. Mais pour le reste, c'est un très beau salon. Allez voir les nouveautés. Si vous aimez les voitures autant que nous, le Salon de Québec, c'est une belle place à aller. Oui, effectivement. C'est pas très gros, mais c'est super intéressant. Moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup, puis les gens sont très prêts Donc, c'est le fun là, de voir ça. Oui. Marc, toi, tu as suivi Genève pendant que moi, j'étais à Québec. Écoute, à Genève, c'est la folie. Il faut préciser que Genève, c'est un salon qui, normalement, réunit beaucoup de véhicules, je dirais, hors de l'ordinaire. Sur place, il y a énormément de présentations de véhicules un peu flyés, un peu bizarres. Donc, c'est quelque chose qui est... Tu sais, souvent, c'est les petits fabricants, les Brabus ou c'est les Pininfarina qui vont présenter des modèles exclusifs. Cette année, il y en a eu beaucoup de ça, mais si tu permets, on va sauter par-dessus un peu parce que j'aimerais mieux qu'on parle de certains véhicules qui sont plus proches de nous autres. On va quand même en parler d'un qu'on ne peut pas négliger. C'est la relève de la Bugatti Veyron, la Bugatti Chiron. Ouais. J'aime pas le mot, là. Non, moi non plus, le nom est un peu douteux. Mais la voiture est absolument magnifique. Si tu vas voir les photos, tu vas voir, c'est superbe. Et tu vas voir aussi que c'est un moteur qui est complètement débile. Un moteur 16 cylindres en W, 1500 chevaux, 0-100 en 2,5 secondes. Ça doit décoiffer. Vitesse maximale 420 km/h jusqu'à maintenant sur la route, mais on ne l'a pas vraiment enregistré sur piste. Donc, on devrait être en mesure d'en savoir un peu plus. Là. Ils disent qu'ils vont battre un record de vitesse avec ça. Là, c'est incroyable. Sauf que c'est un peu plus dans ton budget que dans le mien. Moi, j'ai des doutes. Ben, c'est coûte à peine 2,5 millions d'euros. Donc, on en fait 500. Il y en a déjà le tiers qui ont été vendus, précommandés. Donc, à partir de là, évidemment, c'est pas un véhicule que tu vas pouvoir acheter rapidement. Parmi les autres dont j'aimerais te parler, il y en a quelques-uns, puis ça va être très rapide parce que mécaniquement, on n'a pas tous les détails. Mais on parlait du CHR tout à l'heure. Mais on a présenté la version de production de ce CHR-là au Salon de Genève. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé sensiblement le look au niveau du concept qui te plaisait, comme on l'a entendu dans l'entrevue avec M. Dano tantôt. Mm-hmm. Mais sous le capot, c'est la motorisation de la Toyota Prius. Donc, ça devient le premier, si tu veux, utilitaire sous-compact version hybride. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est un utilitaire qui devrait arriver bientôt. Il y a Kia qui avait présenté la Niro précédemment, qui l'a officiellement présentée à Genève aussi. Donc ça, on n'ira pas plus loin là-dessus. Mais la voiture, à mon sens, qui va retenir le plus l'attention du Salon de Genève, c'est la Honda Civic Hatchback. Ouais. Pourquoi? Parce que les maniaques attendent une Civic Hatchback depuis des années. Donc, le fait que Honda nous dise « Oui, écoutez, on arrive, on la confirme, elle va être là. » Et non seulement elle va être là, mais elle va garder les mêmes motorisations que les Civic actuels, soit un moteur 2 litres ou un moteur 1.5 turbo. Donc, ça devrait être aussi super intéressant. Donc, comme tu vois, Genève, il y a eu beaucoup d'affaires flyées, là, toutes sortes de véhicules de grande capacité, puis des trucs Koenigsegg, puis la Rimac One, puis des affaires à 1 million ou 2 millions de dollars. Moi, j'ai voulu me concentrer surtout sur les petits véhicules que toi et moi, on pourrait se payer, et je trouvais que vraiment, c'était intéressant. Ouais, tout sauf la Chiron, finalement. Ouais, tout sauf la Chiron, mais fallait que j'en parle. Là. Écoute, on peut pas passer au côté. Marc, tu voulais parler de fiabilité puis de nouvelles, donc je te laisse aller puis je vais te suivre dans ce bloc. Ouais, ben en fait, on pourrait commencer, si tu permets, par l'exercice de fiabilité qui est fait chaque année par J.D. Powers. Comment ça fonctionne? Écoute, c'est un peu compliqué, là. C'est la 27e année que J.D. Power fait son étude de fiabilité. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les modèles pendant les 12 derniers mois, notamment, et ils parlent à des propriétaires de voitures qui ont des modèles depuis 2013. Donc, on prend les modèles au cours des 3 dernières années et on établit le nombre de problèmes par 100 véhicules. Donc, si toi, par exemple, tu as une Nissan Leaf et que tu as eu deux problèmes en 3 ans, bien, ça va être comptabilisé. Et par 100 véhicules, on va faire une moyenne. Mais évidemment, quand on parle de problèmes, on a limité ça à 177 problèmes spécifiques. L'extérieur, la transmission, le moteur, les systèmes navigation ou multimédia, l'intérieur, l'expérience de conduite, l'ergonomie, c'est-à-dire les différents contrôles, la ventilation et les sièges. Alors, à partir de là, ça donne des points à chacun des véhicules et à chacun des, je dirais, chacun des manufacturiers. Ah, il y a quand même des voitures qui sont, ma foi, un peu surprenantes, là, si tu veux mon avis. Par exemple, la voiture, la multi-compact, ce qu'on appelle la multi-purpose, le multi-segment compact, c'est la Prius V qui a remporté. Alors ça m'a un peu étonné. Au niveau des compacts, c'est la Buick Verano. La Chevrolet Malibu qui l'a gagné au niveau de l'intermédiaire. Le Nissan Murano au niveau des SUV intermédiaires quand même. Okay. Les petits SUV, le Buick encore. Au niveau des grandes voitures, c'est la Buick LaCrosse Alors, comme tu vois, on est beaucoup, beaucoup dans l'américain. Et ça, ça me surprend parce que Consumer Report, il y a quelques temps, disait, ben, les Américains, pas tant que ça, finalement, à part Buick. Ben là, chez Geely Powers, on dit exactement le contraire. Les grands SUV, c'est le GMC Yukon encore. Alors, tu vois, on est encore dans l'américain. Les voitures sport intermédiaires, la Camaro. Pour les petites voitures de ville, la Fiat 500. Alors, tu sais, on est vraiment, vraiment beaucoup dans l'américain. Il y a quand même, au niveau des voitures de luxe, des grands japonais, bon, le Lexus GX au niveau des intermédiaires de luxe utilitaire sport, mais bon, c'est pas le plus vendu chez nous. Au niveau des petites voitures sportives, c'est la Mini Coupée. Au niveau des intermédiaires de luxe, c'est la Lexus GS. Au niveau des compacts, c'est la Lexus ES. Alors, comme tu vois, on est très là, japonais. Mm-hmm. Au niveau des grandes camionnettes légères, c'est la Toyota Tundra. Ça m'a un peu surpris aussi. Au niveau des compacts SUV de luxe, c'est la Mercedes GLK, qui n'existe plus sous cette forme-là. Au niveau des compacts SUV, c'est le Chevrolet Equinox. C'est des petites voitures, la Honda Fit. Alors ça, comme tu vois, on a quelque chose d'assez varié au niveau des gagnants par véhicule eux-mêmes. Mm-hmm. Sauf que ça ne veut pas dire pour autant là, que toutes les voitures sont nécessairement égaux à ce niveau-là. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de JD Powers. Ils ont vraiment fait un classement complet par marque, en incluant bon la fiabilité générale, qui sont les plus fiables d'après eux. Par exemple, c'est encore Lexus qui domine le classement. Porsche est aussi extrêmement bien situé. Dans les moins bons, ben, il y a toujours Land Rover, malheureusement. Jeep, ça semble faire l'unanimité. Ford se classe aussi parmi les pas très bons, les derniers. Dodge, même chose. Donc, tu vois, on est à ce niveau-là, dans le même classement sensiblement que Consumer Report. Ce qui est cependant intéressant de JD Power, c'est qu'il te donne par catégorie. Donc, mettons tout ce qui est motorisation, le groupe motopropulseur. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Au niveau des intérieurs et des carrosseries, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et au niveau des accessoires, qu'est-ce qui est fiable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et on se rend compte, par exemple, en étudiant ça, que Ford est particulièrement pas bon au niveau des accessoires. c'est malheureux, mais le fameux Sync, parce qu'on parle de modèle 2013, je te rappelle, là. OK. Le fameux Sync, le rentrer dedans sérieusement. Même chose au niveau de Lincoln, c'est ça qui les tue, c'est la motorisation, pas la motorisation, mais les accessoires, le système multimédia, parce qu'au niveau du moteur, ils sont à 4 étoiles sur 5, au niveau de l'intérieur, ils sont à 4 étoiles sur 5, au niveau du système multimédia, ils sont à 2 étoiles sur 5. Alors ça les tue pas mal. Alors tu sais, c'est intéressant à aller voir, je vous invite à aller voir ça sur le site de JD Powers, c'est vraiment fort bien fait. Ça vaut la peine d'être consulté. Non, c'est quand même surprenant, surtout de voir tant de voitures américaines. Puis Buick, tu sais, c'est drôle, Buick, il y a une espèce d'image de cette compagnie-là, comme quoi que c'est des voitures pour grand-papa, des affaires comme ça. Puis ils sont en train vraiment de se positionner comme étant une voiture qui sont agréables à conduire, des voitures qui sont, tu sais, technologiquement correctes, là, et tout ça. Donc, c'est un peu surprenant de les voir là. Mais oui, mais effectivement, mais c'est quand même intéressant parce que ça sont beaucoup, beaucoup améliorés. Alors, juste pour te donner une petite idée, là, mm-hmm. chez Lexus, on a enregistré 95 problèmes pour 100 voitures. Okay. Ce qui est quand même extrêmement intéressant. Mm-hmm. Ça, c'est le premier en termes de position. Si on prend le dernier, c'est Dodge, on a enregistré 208 problèmes pour 100 voitures. Ça veut dire que chaque voiture a eu plus que 2 problèmes. Ouais, ça commence ce qui est quand même impressionnant. Et la moyenne de l'industrie est à 152 problèmes par 100 voitures. Donc, ça donne une idée, là. 1,5 problème à peu près par véhicule. Bon, c'est quand même beaucoup d'avoir... c'est quand même beaucoup. Ça dépend toujours c'est quoi le problème. Des fois, c'est pas des problèmes majeurs, c'est des petits problèmes juste fatigants. C'est ça. Mais comme on dit, quand ça touche, entre autres, le système multimédia, t'sais, ça t'empêche pas de rouler, c'est juste dérangeant un peu. Puis, faut aussi voir c'est quoi la perception des problèmes. Je serais pas fin, mais tu sais, il y a certains propriétaires de certains véhicules, on sait que la fiabilité est un peu douteuse, mais le gars va dire « Ah oui, moi, j'ai pas de problème avec mon auto. » Ben oui, je suis allé au garage au mois d'août, mais tu sais, c'était juste une lumière qui marchait pas. Puis oui, je suis allé au garage au mois de septembre, mais tu sais, c'était juste le wiper qui marchait pas. Fait que finalement, il va au garage tous les mois, mais pour lui, c'est pas des problèmes majeurs parce qu'il aime trop sa voiture. Faut aussi faire attention à ce genre d'affaires-là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est un fait. Puis du monde qui vont, tu sais, du monde qui a, tu sais, de l'autre côté de la médaille aussi, qui déteste la voiture qu'ils ont achetée parce qu'ils pensent qu'ils ont fait avoir. Puis qui vont mentionner des problèmes qui sont pas nécessairement des problèmes qui sont là non plus. Mais il y a des deux côtés. Exactement. Écoute, si on continue dans l'actualité, on va continuer dans les chiffres parce que, bon, c'est le début du mois de mars. Donc, on a sorti les chiffres de vente du mois de février et ceux qui croient que l'économie ne va pas bien n'ont certainement pas regardé le classement des ventes de voitures en février. Écoute, on est en augmentation au total là, pour le nombre de 9,1%. C'est-à-dire qu'on est passé de 109 000 voitures vendues l'an passé en février à 119 000 cette année. Là, on parle de voitures neuves. On parle de voitures neuves strictement au Canada, bien sûr, pas juste au Québec. Okay. Donc, ce qui est intéressant de regarder là-dedans, c'est que sur 120 000, si on fait un chiffron, il y en a 80 000 qui sont des camions légers. Quand on parle de camions légers, là, ça veut dire tout ce qui est utilitaire sport, tout ce qui est camionnette, tout ce qui est VUS, en fait, ou multisegment, c'est inclus là-dedans. Okay. Mais c'est 80 000 sur 120 000. Vous avez été assez grand comme moi pour faire le calcul. C'est complètement débile. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça aide que le prix de l'essence ait descendu. Hein. J'espère juste qu'il ne remontera pas trop vite parce qu'il y a certaines personnes qui vont déchanter un peu. Mais bon. Effectivement. Mais tu vois, la hausse, elle est justement liée à ces camions-là parce que l'augmentation des ventes de camions légers est de 17,9%. Alors que si on prend les véhicules passagers, là, les autos, on est en baisse de 5,5%. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un peu particulier. Sauf qu'il y a des chiffres qui sont amusants à regarder, je trouve. Par exemple, des marques qui vont super bien. Audi, qui est en hausse de 18%. BMW, qui est en hausse de 11%. Ford, qui est en hausse de 22%. General Motors, qui est en hausse de 13%. Honda, qui monte de 18%. Tu sais, c'est complètement fou, là. Infiniti, 18,6% de hausse. Land Rover, 49% qui augmente. Mercedes-Benz, 23%. Mitsubishi, c'est nos amis, là, mm-hmm. 30% d'augmentation. Ouais. Porsche, 26%. Mais tu sais, il faut faire attention parce que quand Ford augmente de 22%, ça veut dire qu'il passe de 15 000 à 18 000 voitures. C'est énorme. Ouais, ouais. Mais quand Mitsubishi passe de... Mais c'est... quand Porsche nous dit qu'ils sont en augmentation de 26%, c'est qu'ils sont passés de 242 à 305 voitures. Ouais, c'est ça, faut faire attention. Faut faire attention un peu, là. Même chose, tu sais, la plus grosse augmentation, c'est Smart, qui a augmenté de 346,5%. OK, ouais. Mais il y en avait vendu 43 l'année passée, en février. Ils en ont vendu 192 cette année parce que c'est un nouveau modèle. Alors, c'est sûr que ça les aide beaucoup, là. Tu sais, oui, c'est une belle progression, mais en même temps, si on regarde le nombre brut, c'est pas aussi évident. Tu sais, des compagnies comme Toyota, par exemple, qui sont des compagnies, je dirais, plus progressistes au niveau de leur clientèle, une hausse de 10,7%, ça aussi, ça paraît, ça vaut la peine. Ouais, c'est sûr, quand tu vends des milliers de voitures dans une année, pour avoir un pourcentage plus haut, il faut que tu en vendes beaucoup plus. Tandis qu'une compagnie qui en vend 4, ben, tu en vends 18 le mois d'après, ben, c'est sûr que tu as quadruplé tes ventes. C'est ça, exactement. C'est plus facile, c'est ça. C'est ça. Et pour ceux qui se posent la question, depuis l'année passée, depuis le scandale, Volkswagen s'en sortait plutôt bien, enregistrait des ventes à peu près similaires, ou même une petite légère hausse pour 2015. Mais là, février, ils ont vraiment mangé la claque. Moins 27,7%. C'est énorme. C'est une baisse incroyable au niveau de Volkswagen. Donc, évidemment, ça leur fait mal un petit peu. Ouais, c'est sûr. Ils vont se replacer, par exemple. Ils ont des bons produits. Ils vont se relancer dans d'autres motorisations. Ils veulent faire de l'électrique, plus d'électrique, plus d'hybride. Oui, oui. Et puis, tu sais, ce qu'ils ont présenté à Genève, entre autres, le T-Cross Breeze, qui est une espèce d'utilitaire sport cabriolet. Ça aussi, ça va les aider. Même si à Genève, et ça, je voulais t'en parler aussi, ils ont un peu fait rire d'eux autres parce qu'il y a un comédien qui s'appelle Simon Brodkin. Simon Brodkin, c'est un Britannique qui avait fait parler de lui quand il était allé à une conférence de presse de la FIFA et qui avait lancé sur le président de la FIFA qui était victime d'accusations de corruption, qui avait lancé des pots de l'or sur lui. Mais là, il est arrivé sur la scène, il a interrompu la conférence de presse de Volkswagen en disant « Écoutez, j'ai une boîte à tricher ici, est-ce que je peux la poser sur la voiture? » Bon, inutile de dire qu'il s'est fait sortir assez rapidement. Ouais, j'imagine. Mais n'empêche que c'est quand même c'est ce qui s'est produit. Donc, c'est le cas de Volkswagen qui devrait remonter progressivement. Ouais. Écoute, l'émission tire déjà à sa fin. Mm-hmm. C'est sûr que on aura encore plein de choses à parler, même que j'ai parlé un peu trop des chiffres à mon goût, mais bon, on pourra se reprendre la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi, on pourra parler d'essais routiers, parce que là, on n'a pas parlé de nos essais de la semaine. Luc, je suis allé cette semaine essayer le nouveau Cadillac XT5, celui qui remplace le SRX. Mm-hmm. C'est une toute nouvelle plateforme, complètement redessinée, complètement remanié. Tout ce que je peux te dire, parce que j'ai un embargo jusqu'au mercredi 9 mars, alors je ne peux pas t'en parler avant, mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est véritablement un véhicule qui a augmenté en qualité comme c'est pas permis à tous les niveaux, tant au niveau de la qualité de finition que de la conduite. Alors, on va te donner plus de détails la semaine prochaine et on parlera bien sûr de d'autres essais, dont les tiens, mon cher. Oui, sûrement. Donc, c'est ça, pendant que toi, tu te faisais chauffer la couenne en Californie, moi, j'étais à Québec dans la neige et le verglas. C'est ça? Bien sûr, ça en prend même pour se sacrifier. Toujours. Ils disent « taking one for the team ». Exactement. Alors, écoutez, on vous remercie d'avoir été à l'écoute encore cette semaine. Luc, je vais te laisser te donner toutes les coordonnées pour nous rejoindre. Pour me rejoindre, moi, le plus facile, c'est sur Facebook ou par NetMedia 360, c'est-à-dire les sites Écolo Auto, Auto au féminin, VUS Mag, Luxury Car Magazine, c'est l'endroit le plus facile. Et bien sûr, sur saroule-radio.com. Comment te rejoindre, toi, Luc? Vous pouvez aussi nous écrire à info@saroule-radio.com si vous voulez nous poser des questions. Moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, @Scalazormo. Sur Facebook, cherchez Luc Desormo. Et puis, vous pouvez me lire sur le blog automobile de Kijiji à frkijijiblog.ca. Puis, vous cliquez sur la section véhicules. Donc là-dessus, on va vous dire merci de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Merci Marc. Merci à toi, mon cher. Merci pour ta visite au Salon du Québec. On se reparle la semaine prochaine. C'est ça. Bonne journée tout le monde.